avant de dépasser, un conducteur doit vérifier et évaluer de nombreuses choses. Pas d'interdiction de dépasser, ici pas de problème, la ligne est discontinue. Visibilité devant et place pour se rabattre, ici je circule dans un sens unique, donc pas de difficulté. Il reste une chose importante à vérifier, ne pas gêner quelqu'un qui arrive derrière. Ici, j'ai dû voir arriver la voiture rouge. Elle se trouve sur ma gauche. Il n'est pas question de déboîter maintenant. J'attends qu'elle soit passée pour prendre la voie de gauche. Réponse B.